qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons ».